mille regrets. J'ai retrouvé Quimper, où sont nés mes 15 premiers ans, et je n'ai pas retrouvé mes larmes. Jadis, quand j'approchais les pauvres faubourgs blancs, je pleurais, jusqu'à me voiler les arbres. Cette fois, tout est laid, l'arbre est maigre, et, nain vert, je viens un étranger parmi des pierres. Mes amis de Paris que j'aime, à qui je dois d'avoir su faire des livres, gâtent les bois en entraînant ailleurs, loin des pères maigres, ma pensée, heureuse et triste aussi d'être entraînée. Plutôt, je suis de marbre, et rien ne rentre. C'est l'amour de l'art qui m'a fait moi-même si lourd que je ne pleure plus quand je traverse mon pays. Je suis un inconnu. J'ai peur d'être haï. Ces gens nouveaux qui m'ignorent, je crois qu'ils me haïssent. Et je n'ai plus d'amour pour eux. C'est un supplice.